boy, yo, hip-hop, franco.com/ la marche à la mort, les finales, round 3, contre 9 Jacko. Hey yo! 9 Jacko est une fac, serait pas splat, même s'il pogne un envie de se frapper lui-même. Comme dans moi-même, il règne. Je fais mes preuves, tu meurs ici 9, mais je tape les 9. Parce que la façon que tu sautes tes dicks me rappelle qu'être un 9 à la coque. Je suis une épreuve à ta popularité, tes listes d'ennemis vont s'allonger. Ce gars-là, il bouffe sa peau parce que ses poignets continuent, pis y'a plus d'ongles à ronger. Là, si tu songes à songer, répondre, ben tu peux pas, j't'ai trop sonné. Pis t'es beau dernier, même si t'es un gros gogué. J'suis pas minime, pis chez les origines à ton nom, c'est trop, il faut que je le dise. Tu sors de quoi 9, on check, pis ça vaut 0. Pauvre 9 Jacko, pas capable d'enligner des mots comme un mauvais héros. Parce que quand tu rap, je cache pas quand tu parles, on dirait Enrico et les ors en français. Si j'étais un ange, j'entendrais. Mais anyway, une bataille a besoin de lyrics, pis tes phrases en manquaient. Check dans ton autre groupe, ça se peut, ben que plein d'humains trouvent ça correct. Mais vous êtes même pas foutu de savoir que deux mains c'est féminin. Votre orthographe, Chris, nine, ta face de piste c'est une farce triste. Attends que je me refarce, c'est ta mère, que j'élargisse son domaine comme un artiste. Je suis l'alarmiste des wax, lâche et massif. Tes varices lyriques vont faire monter mon pointage de persis. Puis là, t'es MC Murky qui renifle ton derrière. T'as un flow ironique et tertiaire. Moi, c'est primaire. Ce qui vient de deux, ha, fuck it, c'est secondaire. C'est ma gueule. J'te décapé de joues du tam-tam avec ton chest. Pis j'sais que ça tape sur une air. On dirait ben quand t'as rappé botch et est assez poche. Pis là t'es moche. Pis la façon que tu gueules, on dirait que t'as avalé croche. Pis tes tunes, tu peux te les foutre profondément dans le cul. Sont presque toutes à chier. Sont trop longues, y'a personne qui en écoute une jusqu'au bout. J'te bats, t'es mort et j'arrête pas. Moi de poigner la crête, pis j'ai la pète. Fait que t'as pas besoin de te casser la tête, c'est déjà fait. Tu viens de croiser ton maître, capable d'écraser les aides comme Jacko la tapette. Pis quand j'dis que j'te file, c'est que j'te manipule comme une marionnette. Nine check, ton flow, ça fait un méchant gros temps qui coule. Petite couille, ta voix est plate comme un autoroute sans nid. Ta vie roule entre mes mains, t'es sans l'endemain. Dans tes ménages, j'ai juste le gland de gamin. Tu suces pendant que je mange un vagin. En sentant la fin de ton battle en vain. Parce que c'est certain, mon malin, que ça va finir genre sans varier. Puis je broute ta maman comme une vache, puis elle m'arrose. Dans cette battle, on remarque juste quoi. On parle juste de slash contenant quelque chose. T'as pas eu assez de repos, t'as assez de bavé, mais tu gueules trop. Depuis ta livre, là tu m'arrives avec la confiance, mais t'as perdu la mise. Mind check, et gueule, t'aides pas mes forces. Y'aime pas les chèques, y'aime mieux le masculin. C'est pour ça qu'il y a un chat dans la gorge. Puis la gloire à mes tests, on check. Parce que juste à me voir, ils s'inquiètent. Dans ces déboires de défaite, tu deviens histoire ancienne parce que tu radotes toujours la même shit. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire se répète.